les secrets du vivant et les secrets du végétal aujourd'hui. Oui. Nous parlions vendredi dernier ici même d'émotions animales, puisqu'il est désormais acquis que les animaux sont doués d'intelligence à divers degrés et même d'émotions pour certains d'entre eux. N'est-il pas tout aussi légitime de s'intéresser au monde végétal ? Certes, les plantes n'ont pas de système nerveux, il n'en reste pas moins que l'étude de la cognition végétale nous montre que les arbres communiquent entre eux, que la forêt est un ensemble vivant capable d'entraide, de mémoire, de liens entre générations et que certaines plantes seraient même en mesure d'apprendre. Mais comment penser une intelligence végétale qui serait par nature si différente de la nôtre ? Monde végétal, une intelligence en germe, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette épineuse question au sens propre comme au sens figuré, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici à la maison de la radio Jacques Tassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en écologie végétale au CIRAD, le centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes l'auteur de « À quoi pensent les plantes ?» aux éditions Odile Jacob. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Saint-Étienne-Loire avec Bruno Moulia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand, unité mixte de recherche physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant, ce qui, en version courte, donne le PIAF. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez suivre cette émission, comme chaque jour, sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. Alors, on l'a vu, lors de l'émission précédente de vendredi consacrée aux émotions animales, le péril de l'anthropomorphisme est grand quand on parle de cognition animale, encore plus d'émotions animales. Comment appréhender les schémas cognitifs d'organismes qui sont par nature très différents de nous ? La mouche a-t-elle peur devant un journal qui cherche à l'écraser ? Ou l'huître sous le filet du jus de citron ? Nous en avons longuement parlé, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter. Mais alors autant dire que le travail de compréhension d'une forme de cognition végétale est encore plus ardu, Jacques Tassin, et va demander un gros effort de définition et de terminologie au départ, pour commencer cette émission. Oui, la difficulté, c'est de ne pas tomber dans un déluge d'analogies. Bon, votre préambule le montre, qu'on est tenté de rapprocher la plante de l'animal. Mais dans le même temps, finalement, est-ce qu'on fait pas fausse route, s'agissant de deux règnes qui se sont séparés il y a 2 milliards d'années? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt essayer de regarder la spécificité des modes de cognition, retenons ce terme, chez le végétal, mais sans nécessairement se référer à ce que l'on observe chez l'animal? D'un autre côté, nous sommes coincés par notre terminologie, donc il faut y aller avec énormément de précautions, effectivement. Bruno Moulia, cognition, c'est un terme suffisamment neutre pour pouvoir s'appliquer au végétal sans outrepasser les limites bien épistémologiques de l'étude de ces modes de rapport à l'environnement? Oui, alors c'est probablement plus neutre que intelligence, parce que, en fait, comme le disait Jacques Tassin, c'est la difficulté, en fait, c'est se sortir d'une terminologie qui, elle, est anthropocentrée. Et c'est un problème en science, en fait, où on parle de la méthode scientifique dans cette émission. Mm-hmm. C'est un problème de sortir de définitions qui sont très anthropocentrées. Si vous prenez, par exemple, intelligence dans le dictionnaire, vous avez ensemble des fonctions mentales ayant l'objet de la connaissance conceptuelle. Donc là, on est typiquement intérioriste et orienté vers l'homme. Et puis il y a une autre définition qui, elle, est plus extérieure et qui est l'aptitude à s'adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions, et ça pendant la vie de l'être vivant. Et donc c'est plutôt du côté du comportement, en fait, qu'on peut s'en sortir. Et là, on peut regarder effectivement comment se passent déjà les réactions, puis éventuellement les cognitions, oui, effectivement. Jacques Tassin, on vient d'entendre Bruno Moulier utiliser un terme que vous développez dans votre livre « À quoi pensent les plantes ?» et qui est un marqueur de la différence qui oppose le monde animal au monde végétal, c'est l'intériorisme. C'est intéressant parce que ça va être un point d'ancrage pour la suite de nos débats au cours de cette heure. Oui, enfin, d'un autre côté, c'est une vraie difficulté aussi. Comment appréhender l'intériorité végétale ? Certainement en faisant attention de quitter notre propre modèle animal, mais après en allant au plus près des observations, des représentations que nous en avons néanmoins. Donc c'est ça la chose difficile. Mais ce que je pourrais ajouter à ce terme de cognition, c'est que si cognition il y a, c'est la cognition sensible. Donc c'est une forme d'ajustement, mais qui est très en lien avec la sensibilité, qui est une forme de connaissance, y compris pour nous, notre connaissance n'est pas seulement intellectuelle, nous forgeons notre savoir également à partir de connaissances sensibles. Les plantes, elles, ne font que cela. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, finalement, de regarder ces êtres vivants comme ne se représentant leur monde qu'à partir d'une connaissance sensible. Vous opposez l'intériorisme des animaux à l'extériorisme des plantes. Ah bah oui, parce que ça serait dommage d'oublier cela, parce que les plantes sont toutes en surface, toutes en extériorité, donc ouvertes sur le monde, et de surcroît, chaque cellule est sensible, contrairement à l'animal, à nous, par exemple, qui avons des organes sensoriels. Dans la plante, tout est tourné vers l'autre, tout est tourné vers l'extérieur, vers le monde. Donc je pense que c'est plutôt que de s'émerveiller devant une pseudo-intelligence, cette forme davantage réelle qu'à la plante de prendre connaissance de son monde via toutes ses cellules, via toute sa sensibilité. Je pense que c'est là où il a à la fois la matière d'émerveillement, mais aussi la matière pour déployer notre connaissance de la plante. Bruno Moulia, quand on entend évidemment la différence que vient de faire Jacques Tassin entre intériorisme et extériorisme, et avec l'emploi de ce mot sensibilité, la sensibilité c'est évidemment la sensibilité de nos sens et ce lien que nos sens effectuent avec notre environnement extérieur, mais sensibilité, on peut l'entendre aussi avec un biais anthropomorphiste très fort. Oui, mais justement, il faut d'abord commencer, je pense, par la notion de sensibilité en lien à l'extérieur, parce que déjà, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire, si vous discutez autour de vous avec des enfants, mais même avec des adultes, et vous leur demandez qu'est-ce que sentent les plantes, ils vont vous répondre, ben pas grand-chose. Et c'est une vision qui est très ancrée dans notre culture occidentale. En fait, par exemple, Aristote, il distinguait trois niveaux d'âme. Vous savez, il y avait l'âme végétative, c'était juste à pousser, c'est des végétaux. Ensuite, il y avait l'âme sensible et motrice, ça c'était les animaux. Et puis l'intellectuel, c'était réservé à l'humain. Et cette représentation-là, elle a duré pendant très longtemps. Et même encore, on en est un peu prisonnier. Et donc, réaliser que les plantes sont engagées par leur perception du monde, qu'elles ont autant de sens que nous, même s'ils sont différemment agencés, c'est déjà une profonde remise en cause de nos a priori, on pourrait dire. L'engagement, la notion d'engagement avec l'environnement, pour le coup, là, on est dans quelque chose qui est très désanthropocentré, Jacques Tassin, oui. Et qui peut commencer à rendre compte de ce qu'on va essayer d'examiner au cours de cette heure sur précisément les processus cognitifs végétaux. Le propre du vivant, par son mouvement, qui est en l'occurrence chez la plante un mouvement de croissance, c'est une manière de s'engager, de s'insinuer dans le monde en répondant à cette variation de l'environnement. Et finalement, plutôt que de parler d'intelligence, moi je préférerais parler d'ajustement sensible à cette variabilité de l'environnement qui permet à la plante donc d'ajuster sa croissance et son développement. On peut prendre peut-être aussi une acception très darwinienne, c'est-à-dire l'intelligence comme faculté plus générale de tout organisme vivant à s'adapter, à survivre et à résoudre des problèmes spécifiques à chaque espèce, à chaque individu. Oui, alors dans le sens darwinien, on peut l'entendre au niveau évolutif, à l'échelle des générations, mais on peut aussi l'entendre en termes de fitness, c'est-à-dire de capacité à se maintenir pour aller jusqu'à la reproduction de soi-même. Ça, c'est également darwinien, tout à fait. Et c'est d'ailleurs très intéressant dans l'ensemble du discours qu'on peut déployer sur la connaissance ou la cognition des plantes, de mettre toujours ça en relation avec l'évolution, au moins pour voir si c'est cohérent ou si ça ne l'est pas. Bruno Moulia ? Oui, je pense que c'est utile quand on regarde l'aspect darwinien, de distinguer ce qui est effectivement solutionné par l'évolution. C'est-à-dire l'évolution est une manière de résoudre des sortes de problèmes, en fait, par les variations et puis ensuite sélection, et de ce qui se passe pendant la durée de vie de l'individu. Donc c'est ce que disait Jacques Tassin, c'est-à-dire vraiment pendant la durée de vie de l'individu, qu'est-ce qui peut solutionner comme problème. Et donc là, c'est là que la question de l'intelligence peut se poser. Moi, elle me gêne moins que peut-être Jacques Tassin, parce que je pense qu'il faut avoir une définition assez large de l'intelligence, qui est celle que je donnais. C'est-à-dire, la science est souvent, finalement, ouvrir des définitions pour avoir une définition assez universelle. Donc, si on parle de capacité à résoudre des problèmes à partir d'une perception sensible et à faire des mouvements, des réactions, eh bien alors on peut aller vers quelque chose qui ressemble à l'intelligence. Le point clé là, c'est de savoir si c'est juste un réflexe ou si c'est quelque chose qui est plus agencé. Si on vous tape sur le genou, votre genou part. Mais si on vous refait la même chose, il repart de la même manière. Il n'y a aucune intelligence là-dedans, il n'y a pas de cognition particulière, c'est juste un réflexe. Pendant très longtemps, on a vu le monde des plantes comme un monde de réflexes. Et puis maintenant, depuis quelques dizaines d'années, on s'aperçoit de plus en plus que c'est plus élaboré que ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quoi. Oui, Jacques Tassin. Oui, enfin, c'est dans ce sens-là où je parlais de manière de composer avec la variabilité de l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on est au-delà d'un simple cumul de réactions simples à des stimuli. On est vraiment dans un acte d'intégration, donc de conjugaison, de composition avec différents stimuli. Cela étant, n'oublions pas, comme le mentionnait Claude Bernard lui-même, que notre démarche scientifique conduit à segmenter le vivant, à le saucissonner, et à oublier quand même que tout cela fonctionne de toute façon de manière intégrée. Et après, on s'étonne de cette intégration, alors qu'en réalité, elle est constitutive du fonctionnement vivant. Un de vos confrères, Stefano Mancuso, qui est l'un des pères fondateurs, dit-on, de la neurobiologie végétale. Alors là aussi, le terme neurobiologie a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu des biologistes végétaux depuis une dizaine d'années, parce que parler de neurobiologie quand on parle de végétal alors qu'il n'y a précisément pas de neurones, c'est peut-être un peu compliqué, vous m'en direz un mot tout à l'heure, mais Stefano Mancuso estime que l'intelligence est une caractéristique de la vie et de toute forme de vie. Est-ce que finalement, est-ce que c'est une limite basse? Est-ce que c'est un trop plus petit dénominateur commun? Bruno Mouliat, qu'en pensez-vous? Je pense qu'on se perd facilement parce qu'en fait, on est obligé de décomposer l'intelligence. On voudrait, voyez, en faire une seule grandeur. On dirait, est-ce qu'elle est intelligente? Oui, non. Et ça, c'est évidemment trop réducteur pour le coup. Déjà, évidemment, si vous prenez une mesure de l'intelligence chez les humains, déjà, vous allez être amené à différencier. Et comme vous le rappeliez en introduction, finalement, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de registres de l'intelligence. On peut se poser des questions sur la faculté, par exemple, des plantes, d'avoir une mesure de ce qui se passe autour, d'avoir une mémoire, de pouvoir comparer, de pouvoir calculer, de mémoriser, d'apprendre. Vous voyez, vous êtes obligé de faire des caractérisations. Et à partir de ces caractérisations, vous pouvez répondre. Et du coup, évidemment, on peut dire probablement que c'est une propriété universelle du vivant, enfin de tout le vivant. Par contre, évidemment, après, on peut mesurer quelle est le plus ou moins de capacité ont les différents êtres vivants. Si on revient à l'étymologie, à intelligence interlegere, c'est la notion d'intelligence au départ, c'est la notion de choisir entre, de discerner entre plusieurs propositions et de faire un choix. Est-ce qu'on peut finalement s'accorder pour revenir à cette définition étymologique? À une forme d'intelligence végétale, Jacques Tassin. Capacité à discerner via la sensibilité dont disposent les plantes, celle que vous avez bien fait de rappeler, effectivement. Après, du point de vue étymologique, dans l'intelligence, il y a aussi entrelié, c'est-à-dire une capacité d'abstraction qui permet de rassembler au moins de manière mentale, des objets qui sont sans rapport l'un avec l'autre, de manière spatiale, mais aussi dans le temps. Et c'est pour ça que l'intelligence, pour le commun des mortels, on va dire, renvoie à l'abstraction, mais renvoie aussi à la mémoire et à l'anticipation. Et là, alors là, on est quand même, me semble-t-il, un peu loin de la réalité des plantes. Même si on peut toujours tordre les mots, mais tordre les mots pour faire en sorte qu'ils rentrent dans des boîtes, ça a quand même une limite dans l'intérêt de l'exercice. Quoi. C'est important de passer du temps sur cette question de terminologie au départ, parce que mal définir, c'est évidemment prendre le risque de mal comprendre, de mal discerner cette connaissance. Peut-être on va passer très vite à quelques études et à quelques cas concrets pour bien vous comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure cette première partie introductive, Bruno Mouliat, qu'il y a dans cette intelligence sensible, dans cette cognition végétale sensible, pour s'arrêter sur cette terminologie-là, aussi une forme de cognition sociale végétale qui peut être envisagée? Ça, c'est une question pas facile, en fait, parce que ça dépend à quel niveau. Ce qui est compliqué déjà avec la plante, c'est que la notion d'individu est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que la plante, vous savez, a une croissance indéfinie, elle est tout le temps en train de croître et de se multiplier. Donc la question est de savoir déjà si on parle d'une intelligence sociale entre les parties de la plante, qui est déjà un problème, c'est un peu comme un corail, vous voyez, avec plein de boue. Et puis après, il y a entre plantes au sein de l'écosystème. Donc ce qu'on sait très bien maintenant, c'est que dans les deux cas, il y a beaucoup de communication, une quantité énorme de communication. Par exemple, des signaux d'alerte, des signaux d'état. J'ai un stress, il se passe quelque chose. Voilà. Donc, ce genre de signaux-là sont à la fois amenés au sein de la plante très rapidement, hein. Vraiment rapidement. Par exemple, il y a l'équivalent d'un influx nerveux chez les plantes. Donc on l'appelle pas influx nerveux, ce sont des potentiels d'action, mais c'est connu depuis très longtemps et ça circule dans la plante. Et puis il y a des signaux externes, par exemple des odeurs, qui sont envoyés aux plantes voisines. Donc ça, c'est bien connu, oui. Un mot, Jacques Tassin, sur cette notion d'unitaire et de communautaire qui est effectivement très complexe à définir dans le végétal. C'est exactement ça, quoi. C'est le risque de confondre ce qu'on peut appeler une société de bourgeons, une fédération de bourgeons. C'était Goethe qui l'appelait comme ça d'ailleurs. Il désignait l'arbre ainsi, comme une fédération intégrée de bourgeons. Confondre cela avec une communauté d'arbres, comme on l'entend beaucoup dire actuellement, où les arbres sont censés s'entraider, etc., etc., quoi. Et là, on glisse de l'un vers l'autre, alors que d'un point de vue biologique, d'un point de vue évolutif, tout nous pousse plutôt à considérer la communication comme un moyen d'informer cette communauté de bourgeons selon laquelle toute plante et tout arbre sont constitués. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons tout au long de cette heure sur France Culture de cognition végétale. On va rester sur ces termes qui sont les plus neutres possibles pour parler des rapports que peuvent entretenir les végétaux entre eux et avec l'extérieur, avec leur écosystème, avec l'ensemble des stimuli qu'ils reçoivent. Nous en parlons en compagnie de Jacques Tassin, ici présent à la Maison de la Radio et en duplex depuis les studios de France Bleu Saint-Etienne avec Bruno Moulia. Alors, mettons des exemples précis sur ce que nous venons de commencer à aborder. Il y a un certain nombre d'études de mécanismes cognitifs qui ont pu être analysés, un certain nombre de publications depuis une dizaine d'années. C'est assez récent, ça a commencé à la fin des années 90, mais la biologie végétale, l'écologie chimique commence à se développer, prendre beaucoup plus d'ampleur depuis une grosse dizaine d'années. Vous avez dit tout à l'heure, Bruno Moulia, je vous attrape à la volée un peu tardivement, vous avez parlé d'influx nerveux, donc anthropocentrisme une fois de plus, il faudrait parler effectivement de différence de potentiel, d'ion calcium. Comment communique une plante avec elle-même entre justement l'unitaire et la communauté de ses cellules sensibles? Alors oui, c'est important de repartir de là, parce que comme on disait tout à l'heure, comme disait Jacques Tassin, en fait une plante, elle a tout très distribué, c'est-à-dire que sa sensibilité est distribuée sur l'ensemble de son corps. Nous, le seul exemple qu'on a, c'est le toucher pour ça. On est capable de sentir à peu près partout. Tout le reste qui a été très centralisé. Donc il y a un problème de communication. Et donc cette communication, elle se fait soit par des systèmes hormonaux, un peu comme nous, mais c'est assez lent, soit par des systèmes de, à la fois d'ondes calciques, donc en fait de qui ressemble à des potentiels d'action qu'on a sur nos nerfs, quand même c'est très ressemblant, ce qui circule dans la plante, qui vont aller par exemple d'une racine vers qui a touché un obstacle vers la partie aérienne, ou si moi je touche la plante avec ma main, il y a un potentiel d'action qui va partir immédiatement, renseigner les autres parties de la plante que je l'ai touché, et aussi des ondes de pression, des ondes dans la tuyauterie, l'équivalent du système vasculaire, qui font aussi qui amènent une information très rapide via des différences de pression, une surpression qui se circule comme une onde un peu sonore. Et donc c'est ces deux modes là qui permettent d'avoir une communication plus rapide. Plus rapide, donc là encore une fois on ne parle pas d'influx nerveux, mais on parle de quoi, de réponses chimico-électriques, Jacques Tassin? Oui, ou des réponses, enfin en tout cas des perceptions chimico-électriques. Après les réponses, elles s'observent dans le développement et dans la croissance. Mais les transducteurs des signaux perçus ou des stimuli perçus sont de nature effectivement soit biochimique, soit électrique, soit parfois il peut y avoir, par exemple les parois cellulaires peuvent réagir directement ou percevoir directement un changement de la température par exemple, donc il y a également cela, quoi. Mais cela étant, je voudrais juste très rapidement revenir sur ce que vous disiez ça fait 10 ans ou un peu plus, en réalité parfois ça fait quand même beaucoup plus longtemps que ça, quoi. Le courant électrique, un chercheur indien, Chandra Bose, l'avait mis en évidence dans les années 1900, et un contemporain, même collaborateur de Charles Darwin, avait aussi observé que dans une plante carnivore qui s'appelle la Dionée à attrape-mouche, on avait aussi une onde électrique. Donc voilà, disons, évidemment, le développement technologique de ces dernières années a permis d'augmenter et d'affiner notre regard, mais ces choses-là, on les savait de manière moins fine depuis déjà longtemps. Ces mécaniques-là, bien sûr, je faisais référence plus à la recherche sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on essaie de définir comme étant la cognition qui est apparue, je parle sous votre contrôle, c'est que ces problématiques liées à la cognition, à ce qu'on appelle l'intelligence végétale, apparaissent plutôt plus récemment, en tout cas. Oui, mais alors, néanmoins, alors bon, je ne veux pas. Non, mais allez-y, au contraire. Non, mais on ne perd pas de temps. Charles Darwin était à fond là-dedans. À, quoi, hein, à la fin de sa vie, il s'est beaucoup intéressé. Et c'est le premier, d'ailleurs, qui a risqué la question de l'intelligence des plantes. Bruno Moulia, pour trancher ce débat, un mot. Oui, ben, ce que je pense, c'est que, effectivement, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a découvert ces processus, ces phénomènes, comme par exemple la propagation d'ondes de dépolarisation, il y a très longtemps. Là où on est encore en difficulté, c'est pour leur donner vraiment un sens, c'est-à-dire savoir ce qu'elles font dans la plante, à quoi elles servent. Est-ce qu'elles servent juste à propager une information qui déclenche quelque chose plus loin, ou est-ce qu'il y a une combinaison, ce dont parlait Jacques Tassin, une combinaison qui permet de combiner différents signaux et d'avoir une réponse adaptée. C'est là maintenant qu'est la vraie question, et c'est là pour le coup qu'on est avec de nouveaux outils et avec de nouvelles méthodes dans une autre étape de notre appréhension du végétal. Que sait-on alors précisément aujourd'hui, que nous enseignent les différentes études, les différentes recherches dans ces domaines, parce qu'il faut dire que tout cela est très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on parle de biologie, d'écologie chimique, de chimie organique, on parle de beaucoup de domaines de recherche distincts. Des réactions d'une plante, une arbre, peu importe, que sait-on d'ailleurs par ailleurs de la différence de réaction des plantes à ces stimuli, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure Bruno Moulia, quand je touche la plante reçoit une différence de potentiel, ça veut dire que toute la plante est informée de mon contact avec elle. Oui, alors toute la plante, mais toute la plante ne va pas réagir de la même manière en plus, hein, parce qu'il s'agit d'avoir des réactions qui ne sont pas juste l'ensemble de la plante réagit de la même manière. Donc il y a une sorte de tri qui va se faire, à la fois au sein de la plante, c'est-à-dire certaines parties vont réagir, d'autres pas. Et puis aussi en amont, il faut faire un tri envers ce qui arrive sur la plante. Par exemple, nous, on a été très surpris. On travaille donc sur cette question, vous avez compris, du toucher ou de la perception. Et pour les plantes, quelque chose qui est très important, c'est la perception du vent. Vous comprenez bien, le vent, c'est quelque chose qui est un grand risque. Imaginez les grands arbres, ils peuvent être culbutés par le vent. Et donc, il faut absolument qu'ils perçoivent ça. Enfin, en tout cas, c'était important dans l'évolution, ça leur a été un avantage de le percevoir. Et on s'est aperçu, dans une expérimentation de l'année dernière, dans une belle forêt de hêtres, qu'en fait, les arbres non seulement percevaient le vent, mais étaient capables de trier entre les vents faibles, qui les concernent peu, et les vents inhabituels, les vents forts, les coups de vent, qui, eux, par contre, sont perçus et sur lesquels ils réagissent très fort. Donc, vous voyez quand même là une possibilité de faire un filtre, un peu comme ferait un ingénieur météo, vous voyez, pour entre ce qui est récurrent, ce qui est habituel, c'est l'habituation, et ce qui est différent et qui porte information. Vous dites qu'ils réagissent à des vents forts, c'est-à-dire quelles sont les réactions que vous avez observées ? Alors, les plantes, en fait, ce qu'elles font, toutes les plantes à peu près, terrestres en tout cas, quand elles sentent le vent, elles vont arrêter de croître en hauteur, elles vont augmenter leur croissance en diamètre, donc elles vont faire des troncs beaucoup plus gros, vous voyez, ou des tiges beaucoup plus grosses, et puis elles vont s'ancrer beaucoup plus dans le sol, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter leur croissance racinaire et leur ramification racinaire. Vous voyez, ça fait sens, hein. On imagine que ça a été adaptatif pour une plante qui sent le vent de se faire trapue et accrocher au sol. Mais pour autant, il ne s'agit pas de faire ça tout le temps. Le moindre coup de vent, et si on fait toujours une toute petite plante, on arrive qu'à des plantes naines. Et la moindre plante qui ferait différemment passerait par-dessus, prendrait la lumière et gagnerait le jackpot. Donc du coup, pour éviter ça, eh bien, il faut pouvoir trier l'information et chercher celle qui est effectivement porteuse de sens, ou en tout cas de risque vis-à-vis d'une tempête. Donc les petits coups de vent, ça vient n'importe où, c'est ce qu'on appelle le vent thermique. Ça n'enseigne pas grand-chose sur la plante. Par contre, les coups de vent un peu forts qui sont liés à des dépressions, vous voyez, à des orages, à des dépressions avec de la pluie, eh bien, ces coups de vent vont être perçus et donnent une idée à l'arbre de son exposition au vent. On voit, Jacques Tassin, qu'on commence à aborder effectivement des réponses à des stimuli complexes qui mettent donc en œuvre une certaine, alors là aussi, il faut se méfier du temps, une certaine mémoire du temps, une certaine forme d'apprentissage, une certaine forme d'habituation. Comment définir ce type de réaction ? Peut-être qu'on peut transcrire ça sous forme biochimique, parce que c'est bien, ou alors électrique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et même quand c'est électrique, c'est comme, voilà, Bruno Moulia parlait tout à l'heure d'ondes calciques. Donc il y a aussi toujours un transport de matière informative, de signaux. Et Donc on a affaire à une conjugaison de plusieurs formes de signaux qui peuvent perdurer ou non dans le temps, qui ont des effets. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on commence à comprendre la complexité avec l'entrée en jeu récente de l'épigénétique qui permet de mieux comprendre effectivement les effets d'activation, dérégulation de ces signaux, de ces transducteurs sur ces gènes. Mais moi, je suis assez réticent, et là, je vais peut-être m'éloigner un petit peu du mode de représentation de Bruno Mouya. Je suis un peu réticent sur l'idée de mémoire. Alors, je sais que ça a été beaucoup travaillé à Clermont-Ferrand. J'ai beaucoup de mal, lorsque je lis les publications qui traitent de la mémoire, à faire la différence entre ce qui est vraiment une mémoire et ce qui est juste une trace. Parce que qui reste dans les cellules une trace d'une information biochimique, c'est pas très étonnant. Et cette trace peut perdurer plusieurs jours. Donc, transcrire cela en mémoire, moi, je suis pas sûr que ce soit la manière la plus juste de dire les choses. On parle pourtant bien, parce que on va y revenir. Vous pouvez peut-être, Jacques Tassin, prendre cet exemple, ce parallèle pour vous et peut-être l'expliciter. Mais on parle bien de mémoire immunitaire. Est-ce qu'on pourrait pas envisager la mémoire végétale comme une forme de mémoire immunitaire, c'est-à-dire avec un mot qui est peut-être un peu chargé pour nous en termes d'anthropocentrisme, mais qui dit tout de même la trace d'un passé qui va permettre une meilleure adaptation à un retour d'un pathogène, à un retour d'un stimulus précis. Oui, mais disons-le comme ça, effectivement. Je sais qu'il y a des sportifs qui parlent de mémoire musculaire aussi, mais prenons la précaution de le dire sous cet angle-là, comme l'intelligence. On parle d'intelligence du cœur. On peut parler d'intelligence des plantes, mais en rappelant que finalement, au bout du compte, on ajoute une forme d'avenant à cette convention de représentation de l'intelligence, quoi. Donc, c'est un peu le risque, quoi. C'est qu'après, on induit des glissements. Et lorsqu'on s'adresse au grand public, une fois que ces glissements sont en place, le risque, c'est de continuer à glisser. Et après, on tombe dans des représentations qui n'ont plus grand-chose, malheureusement, à voir avec la réalité. Bruno Mouya, votre opinion sur cette notion de mémoire chez la plante, est-ce qu'on peut parler de mémoire à proprement parler sans glisser précisément vers l'anthropocentrisme que vient d'évoquer Jacques Tassin? Oui, je pense. Enfin, il faut faire attention. Et Jacques a absolument raison. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a eu des travaux avant moi, en fait, à Clermont-Ferrand avec Jacques Tellier, qui est à l'Académie française des sciences, qui a cherché justement à distinguer ce qui est partie trace, qui est déjà fort utile, hein, une trace de quelque chose qu'on peut remobiliser, c'est-à-dire que la plante va rappeler, vous savez, c'est comme avec ce qu'on faisait avec les calculettes d'antan, on peut rappeler le contenu d'une mémoire et le rappeler au moment où il sert à être comparé avec une donnée actuelle. Et donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus élaboré, personne n'est choqué d'appeler mémoire la mémoire de la calculette sur laquelle on pouvait rappeler. Et donc moi, j'ai l'impression que de ce point de vue-là, ça ne perd pas les gens. Mais souvent, le contexte, c'est plutôt, l'analogie, elle est plus juste avec tout ce qui est l'intelligence artificielle ou que avec l'intelligence humaine dont les plantes sont très loin, effectivement. Quel type d'exemple avez-vous en tête pour préciser justement ces rappels d'informations antérieures qui seraient plus lointaines, qui ne seraient pas juste une différence de potentiel entre deux coups de vent à un moment donné, par exemple? Voilà. Donc, par exemple, ce qui avait été travaillé, c'était donc si on stimule une plante, par exemple par un toucher ou une piqûre, elle perçoit cette stimulation et elle crée un certain nombre de choses en intérieur, un certain nombre de molécules qui sont synthétisées. Et une partie de ces molécules va rester, effectivement, c'est comme une trace, ça je suis d'accord, on peut appeler ça trace, va rester à l'intérieur de la plante. Sauf qu'on s'est aperçu, ils se sont aperçus à cette époque-là, c'est déjà il y a plusieurs dizaines d'années, que on pouvait, si on mettait au froid, conserver la situation, la plante ne pouvait plus réagir, rien ne se passait. Et c'est quand on refaisait un deuxième stimulus que la plante était capable de rappeler l'information qu'elle avait déjà, qu'elle avait stockée quelque part, elle la rendait active de nouveau et elle pouvait comparer ou sommer les deux stimuli. Donc c'est là l'exemple de la mémoire, exactement comme la calculette, vous rappelez ce que vous aviez déjà en calculette pour faire la somme avec ce que vous venez de rentrer après. Et donc c'est ça, à mon avis, qu'est la fonction de mémoire. Alors, autour de cette notion de mémoire, il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit, qui a été aussi relativement critiquée, mais qui qu'il me semble important de mentionner maintenant, une étude publiée en juillet 2016 dans Nature Scientific Reports, qui a consisté à conditionner des petits pois par la méthode de Pavlov. Alors cette étude-là, elle est effectivement sur le papier, quand on la lit, assez impressionnante, Jacques Tassin, puisqu'il s'agit de... Vous pouvez peut-être nous raconter l'étude, hein, en quelques mots. Oui. Il s'agit de soumettre des petits pois à deux types de stimuli. D'abord, un peu de vent, et puis quelques minutes après, de la lumière. Et quand on met de la lumière, bien forcément, il y a photosynthèse, donc il y a production d'un certain nombre de protéines. Et puis voilà, on habitue le petit pois, etc. Au bout d'un moment, on enlève la lumière, on met juste le souffle de vent, et le petit pois finit par faire de la photosynthèse alors que en absence de lumière. C'est pour préciser un tout petit peu, c'est effectivement une étude qui laisse perplexe. Donc a été mis en place par Monica Gagliano, qui est une éthologue qui vient du comportement animal à l'origine et qui s'intéresse donc naturellement au comportement végétal. Donc elle a imaginé des dispositifs très simples, des tubes en forme de Y, où elle combine ce qui évoque un réflexe pavlovien, des éclairages, des éclairements, et puis effectivement des souffles légers. Et à la fin, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'expérience, mais à la fin, effectivement, elle ne produit que le souffle. Et la graine, dans l'un des deux branches du tube en Y. Et la plantule va s'orienter en direction du souffle. Alors l'interprétation, c'est qu'il y aurait apprentissage via réflexe pavlovien, la plante se disant, entre guillemets, quand même Monica Gagliano ne va pas jusque-là, que l'éclairage serait du côté du souffle. Cela étant, la réponse est quand même que de 60%, donc c'est pas non plus très flagrant. Et puis d'un autre côté, moi ce qui me gêne un tout petit peu, même si je consens que cette expérimentation est extrêmement troublante, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'autant un son de cloche, hein, pour le chien de Pavlov, c'est quand même un stimulus qui est neutre du point de vue de l'alimentation, autant du point de vue de la croissance, c'est ce que a évoqué Bruno Mouliat auparavant, un souffle, c'est pas du tout neutre. Donc, à mon avis, je pense qu'on peut passer à côté de la réelle interprétation. Et c'est ça la difficulté, quoi. Finalement, est-ce qu'on a aujourd'hui tous les moyens d'interpréter une telle expérience ? Bruno Mouliat, votre opinion sur cette expérience ? Oui, moi on l'a regardé avec beaucoup d'attention, évidemment. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est très surprenant et pose question. Nous, on n'a pas trouvé de grosses faiblesses. Donc, parce que l'astuce, effectivement, tout de suite, on a pensé comme Jacques, on s'est dit, mais tiens, ils ont mis du vent, mais ils savent pas que le vent, c'est quelque chose qui est très informatif pour la plante. Mais par contre, ce qui est assez joli, c'est qu'il y a association parfois de la lumière, donc qui n'est pas d'ailleurs la photosynthèse, hein, mais qui est perçue comme un signal. Donc, qui est perçue comme un signal comme la plante, par la plante, et d'autre part le vent, et des fois en opposition. Et en fonction de la manière dont il y a eu soit conjonction dans le même sens, soit au contraire opposition, la plante va aller soit vers le vent, soit dans l'autre côté, c'est-à-dire choisir ne pas aller vers le vent, là où elle pense, enfin où elle avait mémorisé qu'il y avait de la lumière. Et donc vous voyez que c'est assez bien fait, c'est de la belle éthologie. Donc il y a effectivement le contrôle de neutralité qui est fait. Mon sentiment à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on discute avec plusieurs chercheurs à l'INRA, en particulier des gens qui viennent de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut refaire cette expérimentation. C'est un point qu'on fait de moins en moins, et on a tort, à l'heure actuelle, c'est que quand il y a des choses comme ça qui sont des enjeux très forts, vous voyez, si ça change, si c'est vrai, ça change très fortement notre compréhension du monde végétal. Donc il est très important que ça soit refait par d'autres laboratoires, y compris des laboratoires un peu sceptiques, qui vont pouvoir tester si vraiment ça se passe ou pas, et contrôler un peu mieux ce qui se passe, c'est-à-dire regarder un peu ce qui se passe dans le cylindre. Pour l'instant, vous avez compris, elle est enfermée dans un Y, c'est un labyrinthe, et elle choisit à gauche ou à droite en fonction des signaux. Nous, on a envie de mettre des caméras et de regarder vraiment ce qu'elle fait. No! passion lasted for an hour, and then she wilted from a Janis Joplin, Flower in the Sun à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons de cognition végétale tout au long de cette heure, en compagnie de Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et auteur de « À quoi pensent les plantes ?» aux éditions Odile Jacob, et avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire, Bruno Moulia, directeur de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand, unité mixte de recherche physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant, donc le PIAF. On a beaucoup parlé des réactions des plantes face à des stimuli extérieurs, mais on en apprend également de plus en plus dans la collaboration entre diverses essences végétales et sur les capacités de communication des plantes. C'est l'objectif de l'écologie chimique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé murmurer à l'oreille des plantes. Oui, c'est ma grande passion. Mmh. Et pour parler de tout ça, j'ai retrouvé Soizic Prado au Muséum d'Histoire Naturelle dans une salle merveilleuse, la salle des collections du laboratoire de chimie. Soizic Prado est chimiste et elle décortique entre autres les interactions chimiques entre les plantes et d'autres organismes, que ce soit des micro-organismes, des insectes ou des champignons. Avec son équipe, elle cherche à déterminer la structure et le rôle écologique de médiateurs chimiques dans des écosystèmes, en s'intéressant plus particulièrement justement à ces interactions entre plantes et micro-organismes. Alors nous trouvons là dans la salle des collections du laboratoire de chimie, donc du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui en fait contient l'ensemble des molécules qui ont été isolées depuis la nuit des temps, depuis la création donc de la chimie au muséum, et qui sont consignées en fait dans des bocaux et identifiées pour la plupart. Donc on compte environ 6 à 7 000 composés naturels, principalement ici isolés de plantes. Ce qu'on sait bien maintenant, c'est que les plantes sont à même de communiquer par le biais de molécules, donc toujours de molécules signales. En fait, elles sont capables de communiquer soit avec différents partenaires microbiens, par exemple, qu'ils soient bénéfiques ou pathogènes. Et on sait que ces plantes sont aussi capables de se défendre, c'est-à-dire qu'en fonction du prédateur, elles vont émettre en fait des signaux chimiques qui vont repousser ce prédateur. Donc en fait, en fonction du type de prédateur, ce ne sont pas les mêmes signaux qui vont être impliqués. On sait maintenant que, par exemple, si une plante est attaquée par un pathogène, elle va produire des molécules signales et même certaines molécules qu'elle peut transmettre à d'autres plantes, en fait. C'est le cas, par exemple, de l'éthylène, qui, du coup, en réponse, en fait, vont adapter leur production de molécules type tanin et qui vont permettre, en fait, de devenir relativement indigestes pour l'insecte potentiel qui pourrait venir les attaquer. On a d'autres exemples aussi chez la tomate, par exemple, où les tomates sont capables de produire des molécules qui vont être transmises à d'autres plantes de tomates et elles vont du coup s'enrichir en inhibiteurs de protéases qui sont particulièrement mauvais, on va dire, enfin indigestes en fait pour les insectes qui pourraient les consommer. Et donc du coup fondamentalement l'insecte, ça dissuadera en fait l'insecte de la consommation de la plante. Comment vous étudiez ça au quotidien au laboratoire ? Alors déjà, fondamentalement, c'est vraiment un domaine pluridisciplinaire. Donc moi, en tant que chimiste, je travaille en étroite collaboration avec des biologistes, avec des écologues, en fait, qui vont aider à poser le questionnement biologique. Et ça, c'est fondamental parce qu'on a besoin d'un questionnement pour pouvoir nous y répondre après avec des outils de chimie. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que cette discipline, elle est aussi relativement récente parce qu'en fait, elle tire profit en fait des avancées, de l'émergence vraiment de ce côté très novateur de la chimie des substances naturelles, en fait, qui est en pleine explosion et entre autres qui permet d'avoir des outils qui sont beaucoup plus sensibles que ceux qu'on pouvait avoir avant et qui nous permettent maintenant de décrypter en fait ces signaux et de caractériser leur structure. Je pense en l'occurrence aux méthodes spectroscopiques comme la résonance magnétique nucléaire ou la spectrométrie de masse qu'on n'avait pas forcément avant. Parce qu'il faut savoir que ces molécules dans l'environnement, elles sont produites en quantité infinitésimale, elles sont très actives et donc du coup, il faut des appareils très très performants pour pouvoir les isoler, mais aussi pour pouvoir les caractériser. Donc nous, globalement, au laboratoire, comment on travaille ? On travaille, donc, comme je le disais, avec des biologistes. Et à partir de là, on essaie d'isoler les molécules impliquées dans les interactions et de les caractériser, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir une empreinte digitale de la molécule pour lui assigner en fait, une structure précise et un nom associé. Et puis après, il y a toujours un retour vers le système biologique, en fait, pour vérifier que la molécule qu'on a isolée est bien responsable de l'effet observé. Par exemple, tout un pan en fait de la recherche aussi à l'heure actuelle, c'est on sait qu'on peut avoir une stimulation des défenses de la plante quand il y a une attaque par un agresseur. Et ben tout un pan de la recherche, c'est aussi de trouver en fait de nouveaux moyens en fait pour stimuler ces défenses de la plante pour qu'elle puisse lutter naturellement contre l'attaque de pathogènes. Après, nous plus spécifiquement, on s'intéresse en fait aux interactions entre des endophytes, qui sont des micro-organismes qui vivent à l'intérieur des feuilles de la plante, mais aussi au niveau des racines, dont on sait en fait qu'ils sont capables de protéger la plante hôte contre des stress biotiques ou abiotiques, donc que ce soit l'attaque de pathogènes ou alors pour leur permettre de lutter contre la sécheresse, contre des stress salins, des choses comme ça. Et en fait, on est en train de décrypter justement qu'il y a une médiation chimique. Alors, il y a certainement d'autres phénomènes, hein, il n'y a pas que ça. Il y a une médiation chimique qui s'instaure entre l'endophyte et la plante hôte et qui lui permet, entre autres, et c'est ce qu'on a nous démontré au laboratoire, de lutter contre l'attaque de pathogènes qui viendrait détruire la plante. Donc du coup, ça peut, a posteriori, hein, bien entendu, avoir aussi des intérêts dans tout ce qu'on appelle biocontrôle, en fait, donc utiliser des micro-organismes hôtes pour permettre de lutter contre l'attaque de pathogènes. Par exemple. Et là, sur quoi vous travaillez exactement? Alors en ce moment, justement, nous, on travaille sur le microbiote, en fait, associé aux plantes. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en une grande révolution aussi à ce niveau-là, c'est qu'on s'est rendu compte que ce soit les plantes, les hommes, les animaux, en fait, on vit en association avec des micro-organismes, donc comme je le disais tout à l'heure, qui sont pathogènes, enfin bénéfiques ou non bénéfiques. Et en fait, ça a permis de revoir cette définition, et on parle maintenant d'holobionte, c'est-à-dire quelque chose de vraiment très global, en fait, c'est-à-dire de l'organisme et de l'ensemble de son microbiote. Donc l'holobionte, c'est un peu un super organisme qui contiendrait tout ça, et on s'est vraiment rendu compte que ce microbiote est fondamental pour l'état de santé de l'hôte qui les héberge. Donc nous, on s'intéresse justement à ce microbiote, en fait, hébergé soit par des plantes, mais plus particulièrement en ce moment hébergé par des macroalgues. Et on essaie de voir, en fait, cette signalisation chimique, en quoi elle peut impacter l'état de santé de la plante hôte ou de l'algue hôte, en l'occurrence en ce moment sur les projets qu'on développe au laboratoire. En dehors du fait que ces molécules sont produites en quantité infinitésimale la plupart du temps, et du coup c'est difficile de pouvoir les obtenir, il y a aussi que les interactions qu'on met en évidence au laboratoires sont une infime partie de ce qui se passe réellement dans l'environnement. Parce que c'est pas, évidemment, c'est pas A donne B et A et B qui interagissent, c'est A qui interagit avec B, qui interagit avec C, avec une multitude, en fait, de signaux chimiques. Donc, c'est là où c'est une discipline qui est assez magique, mais qui nous rend aussi relativement humbles dans le sens où ce qu'on a au laboratoire, il faut aussi le transposer en conditions naturelles. C'est pas forcément évident, mais c'est ce qui fait son intérêt aussi, quelque part. Voilà le reportage du jour sur ce département d'écologie chimique au Muséum d'Histoire Naturelle. Une réaction à l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jacques Tassin? C'est un panorama extrêmement complet, extrêmement intéressant, et qui rend compte de la capacité, encore une fois, qu'ont les plantes à interagir avec l'ensemble de l'environnement, c'est-à-dire en particulier avec l'ensemble des êtres vivants qui les entourent. Elles sont capables de faire appel à la mobilité dont elles ne disposent pas. Par exemple, en invoquant la présence d'abeilles qui vont les butiner et permettre la fécondation des fleurs, les orchidées vont pouvoir faire appel à des insectes jusqu'à tromper leur propre apparence pour faire en sorte que des insectes mâles viennent pseudo-féconder la fleur. Elles font appel d'autres organismes tels que des champignons pour accéder à des éléments nutritifs auxquels elles ne peuvent pas accéder. Pour leur fonction de défense, donc là, ça a été évoqué tout à l'heure, elles peuvent faire appel à d'autres prédateurs. Donc c'est effectivement une forme de communication vers le dehors et pas seulement vers les autres plantes. À la limite, c'est pas forcément ça le plus intéressant. Et on peut aussi se demander, finalement, lorsque d'autres plantes voisines réagissent à, par exemple, une substance volatile émise par la plante, est-ce que réellement il y a intentionnalité de la part de la plante émettrice d'avertir